semblant. Mais je vois bien que tu m'attends. Quand je m'éteins, je fais semblant. Comme un couloir mer, oui, je trompe les gens. Oui, je me perds. Thank you.